la journée, je vous admets. Sans bouger de là, je m'imagine. Votre petit fils est bien rangé. Comme ça, tout droit, si effrayé. De te voir un jour s'effondrer. Prends pas de risque, tiens-toi bien droit. Ne laisse pas la menace, si c'est comme ça. Dans la poubelle, qui est ta putain de vie. Impossible de t'en sortir. Prends pas de risque, surtout pas. Reste bien dans les lignes qu'on a tracées pour toi. Jusqu'au dernier souffle d'une vie. Tu ne demandais qu'à sortir, sortir, sortir, sortir, sortir, sortir, sortir, sortir, sortir, sortir, sortir, sortir. Je suis un arbre, mais je peux sentir le froid qui règne dans vos âmes. Lente descente en agonie, on se maintient ou on s'asphyxie. Qu'est-ce que ça peut faire de toute manière? La seule chose qui compte, c'est l'oseille. Qu'est-ce que ça peut faire de toute manière? La seule chose qui compte, c'est. Prends pas de risque, tiens-toi bien droit. Ne laisse pas la menace, si c'est comme ça. Dans la poubelle, t'es la putain de vie. Impossible de t'en sortir. Sortir. Prends pas de risque, surtout pas. Reste bien dans les lignes qu'on a tracées pour toi. Jusqu'au dernier souffle d'une vie. Tu ne demandais qu'à sortir, sortir, sortir, sortir, sortir, sortir, sortir, sortir, sortir, sortir, sortir, sortir. flamme du bonheur s'est taillée. Elle est partie se réfugier dans un autre coin de mon cerveau, sur qu'elle reviendra pas de sitôt. On a vécu une heure ensemble, mais c'était pas au mois de septembre, c'était plutôt au mois de juillet. Je me souviens, c'était pas hier. Aujourd'hui les feuilles sont mortes, et mon cœur lui aussi virevolte au gré des vents et des courants. Caracole dans les tourments. Quoi le jour aura-t-il l'air? Un autre encore éphémère. Les gosses qui crèveront dans la rue. Cette impression de déjà vu. Des soirées d'hiver pour tout cela dans la misère. Écoute, c'est le monde qui pleure. Il n'a que faire de ton malheur. Il n'y a plus vraiment d'humanité dans ce monde défiscalisé.